Bien, vous le savez maintenant, chaque vendredi, Gilles nous fait découvrir un film rare ou méconnu. C'est son Kiki l'a vu. Exactement. Et alors, cette semaine, je vous propose Une fée pas comme les autres de Jean Touraine. Alors, c'est un conte familial, donc idéal pour Noël en famille. C'est avec de vrais animaux dedans et la voix de Robert Lamoureux en narrateur, sorti en France le 19 octobre 1956. Donc, ça remonte un petit peu. Mais ça a fait plus... pour certains, c'était hier. Ça a fait plus de 2 millions d'entrées quand même à l'époque. Donc, un gros carton, mais ça n'existe pas en DVD. Alors, l'histoire. En possession d'une baguette magique, le singe Gérinois règne à mauvais escient sur le village des animaux. Saturnin, un gentil canard, aspire lui à un cessez-le-feu. Un petit extrait. C'est drôle. Il était une fois, ceci est un conte, une fée pas comme les autres. Les fées que nous connaissons, vous et moi, n'ont pas l'habitude de se séparer de leur baguette magique. Eh bien, la fée dont voici l'histoire commit un jour l'imprudence de confier le coffret contenant sa baguette à son meilleur ami. Il lui jura, bien sûr, d'en prendre grand soin. Malheureusement, cette fée avait pour ennemi un dangereux génie qui s'appelait Génie Noir. Il avait autrefois prétendu l'épouser et, furieux d'avoir été dédaigné, s'était juré de se venger d'elle, de s'emparer de son pouvoir et d'anéantir l'heureux pays qu'elle protégeait. Sachant sa baguette magique sous la garde de l'amitié, la bonne fée était partie un matin assister au baptême d'un enfant auquel elle voulait porter bonheur. Le cœur léger, elle survola à l'aube les rives enchantées de son petit royaume, dont un village était la capitale. Alors, tiré de l'imagination fourmillante de Jean Touraine, photographe animalier et maire de la commune du Val-Saint-Germain, pour info, le premier à allouer sa signature au candidat Coluche lorsque celui-ci lorgne vers les présidentielles, Une fée pas comme les autres transcrit l'avènement de Saturnin le canard dans l'histoire du patrimoine français. Ah. Suite à l'immense succès de ce premier long-métrage, 2 millions de spectateurs, je le rappelle, et une exploitation étendue à l'étranger, un second est mis en chantier des années plus tard, escorté de près par un feuilleton télévisé au triomphe lui aussi retentissant, fort de ses 78 épisodes. La légende soutient que 54 canetons ont dû être employés à la réalisation de ce projet au vu de leur fulgurante croissance, inaccoutumée pour un tel tournage sous peine de faux raccords, on le croit aisément. Il a également été question de maltraitance sur certains animaux. C'est possible. Et ce n'est pas fini. Pierre Tchernia, monsieur cinéma, l'accrédite. Je le cite. Tout était filmé dans des conditions bien difficiles. On leur fabriquait de petites maisons à leur échelle que les projecteurs surchauffaient. C'est ainsi que les lapins et les poulets tournaient de l'œil et qu'on les retrouvait à la cantine. Ça va pas, non? C'était 56. Hein. J'ai rencontré un électricien qui m'a dit un jour, je viens de faire un film, c'est la première fois que j'ai mangé les acteurs. Mais c'est horrible. C'est Noël, c'est un conte de Noël, je vous ai dit. Énorme. Bon réveillon. Béatrice Dalle a dit la même chose. Néanmoins, la suprématie du film se résume à son ambition. On est au milieu des années 50. Techniquement, le métrage de Jean Touraine place la barre très haute. Chaque personnage est interprété par un véritable animal du jamais vu à l'époque, ni même plus tard, cette expérience n'étant à aucun moment réitérée. Désormais, ce type de fiction, exemple Babe, proportionne en règle générale personnages humains animatronique aux côtés de nos amis les bêtes. Dans Une fée pas comme les autres, le cinéaste a cette propension à diriger rigoureusement des animaux faits de chair, de poils ou de plumes, 63 minutes durant, et de raconter l'histoire désirée sous forme de grande aventure sans que cela nous paraisse faillir en crédibilité. Aujourd'hui encore, l'intrigue de ce métrage entretient un rythme palpitant, une mise en scène chatoyante et un humour fichtrement efficace. À l'heure du tout numérique et de la 3D, voilà une œuvre qui réoxygène. Merci Gilles. Le mec dit fichtrement dans ses jeux. Moi ça m'a donné envie de vomir. Hein, mais attends, moi je connaissais parce que la fée avec la baguette magique, je la connais, c'est la fellation. C'est de mieux en mieux ce. Il est sur internet, oui. Merci Gilles. Mais à l'origine de Saturnin le canard. Exactement. Je le savais, bien sûr.